بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui le cours numéro 48 dans l'explication du livre عمدة الأحكام, le شرح de Cheikh Abdullah Al-Bassam, qui s'intitule تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام. Et on est arrivé aujourd'hui, donc on a dit c'est le cours 48, on commence le chapitre 13. Bab wujub at-tama'ninati fi ar-ruku'i was-sujud. C'est-à-dire le chapitre de l'obligation de la sérénité, la tranquillité pendant le ruku' et le sujud. Et c'est le hadith 93. الحديث الثالث والتسعون. C'est un hadith qui est célèbre, et ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim, Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith sahih, et c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et c'est un hadith qu'on appelle hadith al-musi salatahu, hadith al-musi salatahu. Donc c'est un hadith qui est une base, un fondement dans la connaissance et l'apprentissage des règles de la prière. Donc c'est important de l'apprendre et de le comprendre. On va lire le hadith ensemble et puis après on va lire l'explication de Cheikh Al-Bassam, inshallah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا ها؟ فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني لا أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? On va traduire maintenant. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée. Et puis un homme est entré après lui et il a fait la salat. Puis il est venu pour donner le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: retourne prier parce que tu n'as pas prié. Alors l'homme est retourné, il a fait la salat encore une fois, rak'atayn. Et puis il est revenu pour s'asseoir, pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire assalamu alaykoum encore une fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété: retourne prier parce que tu n'as pas prié. Alors il est retourné faire la prière. Il est revenu donner salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit encore une fois: retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Il est retourné encore une fois, il a fait sa prière. Il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. En tout, il a fait ça trois fois. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais pas mieux que ça. Hein? Je ne sais pas faire mieux que ça. Alors, apprends-moi. Hein? Enseigne-moi comment faire la salat comme il faut. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué. Il lui a dit: lorsque tu te tiens debout pour faire la salat, tu fais le takbir. Allahu Akbar. Hein? Fakabbara. Fakabbir. Alors il dit, puis ensuite tu récites ce qui est avec toi du Coran. Ensuite tu t'inclines pour faire le recours jusqu'à ce que tu sois en tranquillité, hein, tranquille dans le recours, dans la position inclinée. Puis tu te relèves jusqu'à ce que tu sois redressé complètement, droit, debout. Et il dit, une fois que tu t'es redressé debout, tu te prosternes, hein, tu te penches pour te prosterner jusqu'à ce que tu sois en tranquillité pendant dans la position de la prosternation. Ensuite, tu t'assois, tu te redresses en t'assoyant jusqu'à ce que tu sois en tranquillité dans la position assise. Et il dit, et tu refais cela dans toute ta prière. Et il a dit, et tu refais cela, hein, tu fais cela dans toute ta prière. Donc le cheikh, il explique que ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et que ici, le cheikh Abdul Ghani, hein, Abdul Ghani Al-Maqdisi, l'auteur du livre Amdatul Ahkam, il a réuni les deux versions de Al-Bukhari et Muslim ensemble. Dans cette version-là qu'il a rapportée, il a réuni les deux versions ensemble. Et le cheikh, il dit par rapport à ça ensuite, المعنى الإجمالي للحديث, la signification globale du hadith. في هذا الحديث هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة والتي يجب الإتيان بها ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب وكما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى. Donc le cheikh explique que le sens général de ce hadith, c'est que c'est un hadith que les ulama appellent le hadith de celui qui ne faisait pas bien sa prière. Hein? Hadith al-Musi fi salatihi. Et c'est un pilier. Ce hadith-là, c'est un pilier en ce qui concerne ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire dans la salat. C'est-à-dire que les ulama, ils se basent fondamentalement sur ce hadith-là pour distinguer entre l'obligation et ce qui est recommandé, hein, dans la prière. Et donc il dit, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le contexte de l'apprentissage et de l'enseignement et de la clarification, il a résumé les éléments obligatoires que la personne doit ramener dans la prière. Et donc les ulama considèrent par rapport à ce hadith que ce qui n'a pas été mentionné dans le hadith n'est pas obligatoire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concentré à mentionner seulement ce qui est obligatoire pour que ta prière soit valable dans ce hadith là et il dit, nous allons le clarifier après inshallah. Wa mujmal hadha al hadith anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala al masjid fa dakhala rajul min as sahabati ismuhu Khalad ibn Rafi', فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال. Donc le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la mosquée et un homme est entré après lui et ils ont dit que son nom c'est Khalad ibn Rafi'. Khalad ibn Rafi'. Et il dit que il a prié, mais il a fait une prière incomplète. Sa prière, elle n'était pas complète, ni dans les actions, ni dans les paroles. فَلَمَّا فَرِغَ مِنْ صَلَاتِهِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. وَجَاءَ فِي الْبُخَارِ وَمُسْلِمَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. Donc c'est ça. Il dit, ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Donc lorsque la personne a terminé de faire sa salat, elle est venue donner le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu au salam, hein, comme c'est mentionné dans certaines narrations qui sont rapportées dans le Bukhari Muslim. Puis il lui a dit, retourne prier parce que tu n'as pas prié. Alors il dit, فَرَجَعَ وَعَمِلَ فِي صَلَاتِهِ الثَّانِيَةِ كَمَا عَمِلَ فِي صَلَاتِهِ الْأُولَى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. Puis il lui a dit dans la deuxième fois, hein, comme il est retourné l'homme prier, mais il a fait sa prière comme il l'avait fait la première fois. Hein, il a répété exactement la même chose qu'il avait fait la première fois. Et il est revenu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a répété encore une fois, retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Alors, il a fait ça pendant trois fois. Allez, il est allé, il est revenu. Il a prié, il est revenu. Il a prié, il est revenu. Et il a juré par la suite. Il a dit, hein, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Je ne sais pas faire mieux que ça. Alors, apprends-moi. Hein. Il dit, فَعِنْدَمَا اشْتَاقَ إِلَى الْعِلْمِ وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسا وافعل هذه الافعال والاقوال في صلاتك كلها ما عدا تكبيرة الاحرام فانها في الركعة الاولى دون غيرها من الركعات. Donc le cheikh il explique que lorsque la personne a eu envie d'apprendre et que son âme était capable d'accepter l'apprentissage et qu'il était prêt à l'accepter après être retourné plusieurs fois, hein, faire la même action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué ce qui signifie lorsque tu te tiens debout pour commencer la prière, fais le takbir. Hein, qu'est-ce qu'on appelle en arabe takbiratul ihram, c'est le premier takbir lorsque tu dis Allahu Akbar au début de la prière, ça c'est pour rentrer dans la prière, on appelle ce takbir takbiratul ihram, comme on l'a déjà expliqué. Et la raison pourquoi on l'appelle takbiratul ihram, c'est que à partir de ce moment là à partir de ce takbir, les actions qui sont en dehors de la prière sont interdites. Tu ne peux, une fois que tu es rentré dans la prière, tu ne peux faire les actes qui sont prescrits et ordonnés par Allah dans la salat. En dehors de ça, tu ne peux pas faire les autres choses. Et le cheikh il dit ensuite, ثم اقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة. Il dit puis ensuite récite ce qui est facile pour toi du Coran après avoir récité Surat al-Fatiha. Et ça c'est tiré de la narration, une autre narration du même hadith, hein? Il dit kama ja'a fi riwayat Abi Dawud thumma qara bi umm al-Qur'an wa bima sha'a Allah wa fi riwayat Ibn Hibban thumma bima sha'at. Donc dans la narration de Ibn Dawud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et puis récite la mère du livre, c'est al-Fatiha, puis ce que Allah a voulu. Et dans la narration de Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc récite al-Fatiha puis ce que tu veux. Hein? Et le cheikh il dit ensuite ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Puis tu te mets en position d'inclinaison de recours jusqu'à ce que tu sois tranquille et dans une tranquillité pendant que tu es dans le recours. C'est-à-dire que tu vas pas t'incliner seulement comme ça quelques instants, hein, quelques secondes, le temps de t'incliner puis après tu te relèves immédiatement. Non. tu t'inclines, tu te mets en recours et tu restes en recours jusqu'à ce que tu sois tranquille. Tu ressentes la tranquillité, hein, pendant que tu es dans le recours. Tatma'in. Et il dit, une fois que tu es tranquille dans le recours, tu vas faire le recours. Une fois que tu as fait le recours, il dit, ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك. Il dit, puis tu te relèves du recours jusqu'à ce que tu sois redressé complètement, hein, que tu sois complètement redressé, debout, et que tu aies ressenti la tranquillité dans ton redressement. D'accord? Donc, la tranquillité, tu dois la ressentir entre chaque mouvement que tu fais dans la salat. C'est une condition. Dans la salat, c'est obligatoire. Donc, ici, c'est pas juste de te relever du ruku. Tu dis, Sami Allahu liman hamida, puis à l'instant même où tu t'es redressé, tu te prosternes immédiatement. Non. Tu te redresses du ruku et tu restes redressé jusqu'à ce que tu ressentes la tranquillité dans le redressement, et une fois que tu as ressenti la tranquillité dans le redressement, là tu te prosternes et tu te mets dans la position de prosternation jusqu'à ce que tu te sentes en tranquillité dans la prosternation. Puis tu te redresses à la position assise jusqu'à ce que tu aies ressenti la tranquillité dans la position assise, hein? Et il dit, tu refais ces paroles et ces actions dans toute ta prière, excepté le premier takbir, ça, takbiratul ihram, c'est seulement au début, la première rak'at, pas dans les rak'at suivantes, hein? Tu vas pas faire le takbiratul ihram à chaque rak'at, tu le fais takbiratul ihram, le premier takbir, c'est la première fois, et après tu fais les takbirat, hein, entre chaque mouvement, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait et tel qu'on l'a expliqué lorsqu'on a décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le cheikh explique le hadith. Dans le hadith, il y a trois aspects à expliquer. Le premier aspect, c'est la divergence entre les ulama par rapport à ce hadith. Le deuxième aspect, c'est comment les ulama ont utilisé ce hadith pour établir ce qui est obligatoire de ce qui n'est pas obligatoire. Et la troisième aspect de ce hadith, c'est les règles qu'on peut tirer du hadith en question, et le cheikh il en a mentionné 12. Donc la première partie, la divergence entre les ulama. Mais avant de mentionner ça, je voudrais juste clarifier que lorsque j'ai expliqué la signification du hadith, j'ai lu la parole du cheikh quand il a dit ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك, c'est-à-dire puis relève-toi du ruku' jusqu'à ce que tu sois redressé debout et que tu sentes la tranquillité pendant ton redressement. Ça c'est basé sur une narration aussi qui est expliquée dans le hadith de l'imam, rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Hibban. Il dit كما جاء ذكر الاطمئنان في هذا الحديث عند الإمام أحمد وابن حبان بقوله حتى تطمئن قائما ولفظ أحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. Donc il dit dans la narration de l'imam Ahmad et de l'imam Ibn Hibban, il mentionne la tranquillité dans cette position-là. Il dit jusqu'à ce que tu te sentes en tranquillité debout, hein, après le recours. Et il a dit fa'aqim sulbaka, hein, c'est-à-dire redresse ta colonne vertébrale jusqu'à ce que les os reviennent à leur place. C'est-à-dire chaque vertèbre revienne, hein, à sa place dans la position redressée. Donc on voit que la prière, c'est pas une course, c'est pas quelque chose qu'on doit faire en se précipitant ou en se dépêchant. C'est-à-dire qu'il faut ressentir le calme et la tranquillité entre chaque déplacement, entre chaque mouvement. D'un mouvement à l'autre, tu dois ressentir la tranquillité et le calme et le repos. C'est pas, yani, de te dépêcher au point, hein, de faire les mouvements le plus vite possible. Et mashallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, en ce qui concerne les divergences des ulama, le cheikh il a mentionné quelques points ici par rapport à ça. La première chose qu'il a mentionné, c'est que il dit فَقَدْ ذَهَبَتِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ أَيِّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى مِنْ قَادِرٍ عَلَى الْفَاتِحَةِ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وبإحدى روايات هذا الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Le cheikh il dit que les Hanafiyya, le madhhab al-Hanafi, ils ont pris l'opinion que la prière sera valide peu importe qu'est-ce que tu as récité du Coran. Même si tu n'as pas récité la Fatiha et que tu as la capacité de le faire, eh bien, ils considèrent que c'est correct quand même. Il se base sur quoi? Sur le verset 20 dans Sourate Al-Muzzammil qui dit فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, c'est-à-dire réciter ce qui est facile pour vous du Coran. Et dans une des narrations du hadith de Abi Huraira qu'on est en train d'expliquer, il y a la mention, comme on l'a lu, hein, récite ce qui est facile pour toi, hein, ce qui est facile avec toi du Coran. Et il dit ensuite وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. فالتقدير لا صلاة توجد وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها وهذا هو الأصل. Donc ici le cheikh explique que le jumhur, c'est-à-dire la majorité des ulama, ont considéré que la prière ne serait pas valable sans la fatiha, hein, pour celui qui sait la réciter. Et il se base comme preuve sur cette question sur le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre. Et hein, ici, bon, dans certaines narrations Ummul Kitab, et dans cette narration ici Bi Fatihatil Kitab, hein, l'ouverture du livre. Et le cheikh il dit que qu'est-ce qui est sous-entendu ici, c'est-à-dire il n'y a pas de prière qui existe si on n'a pas récité la Fatiha, et la négation de l'existence de la prière selon la révélation ou selon la charia, ça signifie la négation de sa validité, c'est-à-dire il n'y aura pas de prière valide pour celui qui n'a pas récité la fatiha. Et ça bien entendu c'est pour celui qui a la capacité de la réciter. Ensuite le cheikh il dit wa adillatu adam sihhati ssalati bidunha kathira, donc les preuves de la non validité de la prière de celui qui ne l'a pas récité la Fatiha sont nombreuses, et les preuves à ce sujet-là sont nombreuses. Wa ajabu 'an al-ayat bi annaha ja'at li bayan al-Qur'an fi qiyam al-layl. يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم. Wa ajabu 'an al-hadith bi anna hadhihi ar-riwaya mujmala. تفسيرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله وقد سكت عنه أبو داود وما سكت عنه فإنه لا قدح فيه ولابن حبان في حديثه وقرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئت وقال ابن الهمام الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله والأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. Donc le cheikh, ils ont répondu à la preuve que les Hanafiyas ont ramené que le verset dans Sourate Al-Muzammil, le verset 20, récite ce qui est facile pour toi du Coran, en disant que ça c'est pour expliquer la façon dont on prie pendant la nuit, hein? Et c'est-à-dire réciter ce qui est facile pour vous du Coran après avoir récité la Fatiha sans difficulté pour vous. Et ils ont répondu à propos de la narration qu'ils ont rapportée du hadith que ça c'est une narration qui est générale et il faut retourner aux autres narrations du hadith pour comprendre son explication complète. Et on retourne à la narration de Abu Daoud et de Ibn Hibban, et dans ces deux narrations là on trouve la clarification de réciter la mère du livre ou l'ouverture du livre, hein, et ce que Allah a voulu après, ou dans une autre narration, hein, de réciter la mère du livre, et c'est-à-dire la Fatiha, et ce que tu veux ensuite. Et Abu Daoud, il a mentionné cette narration-là, et il n'a pas donné de commentaire par la suite, et les ulamas ont dit que si Abu Daoud rapporte un hadith dans son sunan, puis que par la suite il ne fait pas de critique ou de commentaire, alors dans ce cas ça signifie que le hadith, hein, il le considère comme étant valable et bon, hein. Donc ça c'est par rapport à cette question. Donc c'est ça. Le cheikh Al-Bassam il dit également dans son charh que Ibn al-Hammam a mentionné que le mieux c'est de considérer le verdict que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tout cela dans son explication à cette personne qui avait prié incorrectement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on devrait considérer en fait que toutes ces différentes narrations là comprennent le verdict de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la personne qui ne savait pas prier correctement, et prendre en considération et réunir toutes les différentes narrations et ce qui a été mentionné dans ces différentes narrations là comme étant un tout, et non pas de prendre chaque narration du hadith de façon individuelle et indépendamment. Ensuite le cheikh il dit ثم اختلف ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة ويدل له قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقال الحافظ ابن حجر وحديث أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل الوجوب. Donc il dit certains ulama ont dit que ils considéraient que l'obligation de réciter la Fatiha c'était seulement dans la première rak'a et non pas dans les autres, et la majorité des ulama plutôt eux ils considèrent que il faut plutôt la réciter dans chaque rak'a et que c'est obligatoire de la réciter dans chaque rak'a. Et la preuve de ça c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété à la fin du hadith, il a dit fais cela dans toute ta prière. Donc ça veut dire qu'il doit réciter la Fatiha dans toute la prière à chaque raka'a. Et Al-Hafidh ibn Hajar, il rapporte que Abu Qatada dans Al-Bukhari, il mentionne le hadith, hein, de réciter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait la Fatiha à chaque raka'a. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et ça c'est la preuve de l'obligation de réciter la Fatiha dans chaque raka'a. Le cheikh il dit ensuite ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود فذهب الحنفية إلى عدم وجوبها وذهب الجمهور إلى وجوبها وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح وحديث البراء بن عازب أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه وركعته فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء متفق عليه. Donc le cheikh il dit, puis ensuite les ulama ils ont divergé au sujet de la tranquillité, le calme et la sérénité dans la prière et d'être droit dans les positions de la prière pendant le recours et pendant le sujoud, d'avoir la tranquillité dans ces différentes positions là. Et les savants du madhhab al-Hanafi, al-Hanafiya, eux ils ont considéré que c'est pas obligatoire d'avoir la tranquillité dans les différents mouvements de la prière. Tandis que la majorité des ulama ont considéré que la tranquillité dans la prière, c'est dans les mouvements de la prière, est obligatoire. Et leurs preuves à ce sujet sont dans le hadith authentique et clair et explicite à ce sujet, celui qu'on vient d'expliquer. Et un autre hadith également, qu'on a déjà expliqué dans les hadiths précédents, qui est le hadith de Al-Bara ibn Azib, dans lequel il dit que il a imité la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes positions de la prière, quand il est debout, quand il est dans le recours, quand il se relève du recours, quand il se prosterne, quand il s'assoit entre les deux taslims, et avant de se tourner pour terminer la prière. Et il a dit que c'était à peu près de durée équivalente, c'est-à-dire que chaque position il les faisait d'une durée qui était à peu près égale. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit wa taqaddama al-kalam alayh, on a déjà parlé de ça dans les hadiths précédents, wa thabata annahu يعني يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن بعض يظن حتى يظن أنه قد نسي لإطالته والأدلة على ذلك كثيرة. Donc il dit, on a expliqué déjà précédemment la parole à ce sujet, et il a été établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il restait debout après s'être redressé du recوع au point où certaines personnes pensait qu'il a oublié de se prosterner, tellement il est resté longtemps debout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il se redresse de la salade et il reste tellement longtemps en position debout que les gens ils ont l'impression que les sahaba avaient l'impression qu'il a oublié de se prosterner. Mais c'est parce que il prenait son temps dans la prière pour faire les adhkars, pour faire des rappels, pour faire des glorifications d'Allah, et ainsi de suite. Donc ça c'est juste pour clarifier en même temps la nécessité et l'obligation de prendre son temps dans la prière, de ne pas se dépêcher excessivement. C'est exactement le hadith que nous sommes en train d'expliquer maintenant. Oui, le hadith qu'on appelle hadith al-musi fi salatihi. Al-musi fi salatihi. Donc, comme le cheikh il explique, c'est un hadith qui est un fondement ou un pilier dans la compréhension de ce qui est obligatoire et de ce qui n'est pas obligatoire dans la prière. Donc, c'est comme une référence pour les ulama pour distinguer entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer. Le cheikh il dit وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. Donc le cheikh explique que les hanafis ils n'ont aucune preuve pour supporter l'idée que la tranquillité dans la prière ne serait pas obligatoire dans les différents mouvements de la prière comme le recours et le sujoud. C'est pour ça que si tu regardes par exemple des fois des gens qui sont du madhhab al-Hanafi et tu regardes la façon comment ils prient, pas tous mais certains d'entre eux, surtout ceux qui parmi eux n'ont pas étudié la sunna, hein, et puis tu constates qu'ils font la prière extrêmement rapidement et que parfois ils ne prennent presque pas de temps pour se reposer ou pour être calme entre chaque mouvement de la prière. Donc aussitôt qu'ils sont inclinés, ils se relèvent immédiatement. Aussitôt qu'ils se relèvent immédiatement, ils se prosternent sans même attendre. Et parfois, lorsqu'ils sont prosternés, à peine ils ont mis leur front sur le sol, qu'ils sont déjà prêts à se rasseoir. Et une fois assis, aussitôt ils se reprosternent encore une deuxième fois. Et aussitôt prosternés, ils se relèvent debout directement. Il n'y a pas de pause. On dirait que leur prière est un mouvement machinal continuel. C'est comme si c'est un mouvement continuel, c'est-à-dire ils n'arrêtent pas entre chaque mouvement pour trouver la tranquillité, le repos et la sérénité entre chaque mouvement. Donc ça veut dire que en faisant ça, hein, leur prière, elle risque même de ne pas être acceptée. Pourquoi ? Parce que la tranquillité, c'est une obligation dans la salat. Hein? La tranquillité, c'est une obligation dans la salat. Et aussi, yani, la personne, comment elle doit prier, si elle prie trop rapidement, comment elle va avoir le khushu', la concentration et la dévotion et le recueillement dans la prière si elle prie aussi rapidement que ça. Donc il y a des fois même, on se demande si quelqu'un peut avoir le temps de réciter la Fatiha au complet s'il la récite aussi rapidement. Et non seulement est-ce qu'il a le temps de la réciter, mais est-ce qu'il a le temps de réfléchir ou de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire s'il le dit aussi rapidement. Donc ça, c'est important. Et aussi, donc le deuxième point par rapport à cette parole, cette explication du hadith, donc on a vu les divergences des ulama. Maintenant, on va voir la deuxième aspect, deuxième question par rapport au hadith. Comment les ulama ont utilisé ce hadith comme preuve pour déterminer ce qui est obligatoire dans la salat de ce qui n'est pas obligatoire dans la salat. Et ça, c'est l'aspect suivant. Le cheikh, il dit: fi kayfiyat al-istidlal fi bi hadha al-hadith 'ala al-wajibat fi as-salat wa ghayr al-wajibat. Fa inna qala fi subul as-salam wa'lam anna hadha hadith jalil takarrara min al-ulama al-istidlal bihi 'ala wujub kulli ma dhukira fihi wa 'adam wujub kulli ma lam yuzkar fihi. Donc il dit, on mentionne dans ce hadith, dans cette partie, comment les ulama utilisent ce hadith comme preuve pour établir ce qui est obligatoire de ce qui n'est pas obligatoire dans la salat. Et il cite les paroles d'un des ulama un des ulama qui ont expliqué le livre Bulugh al-Maram, le livre qui s'intitule le charh de Bulugh al-Maram, qui s'intitule Subul al-Salam. Et c'est Muhammad ibn Ibrahim As-San'ani. Il dit dans ce livre, à propos de ce hadith: sache que c'est un hadith très grand, hein, très important, et que les ulama ont à plusieurs reprises utilisé ce hadith comme preuve pour déterminer l'obligation de tout ce qui a été mentionné dedans et la non-obligation ou l'aspect non obligatoire de tout ce qui n'a pas été mentionné dedans. Donc ce qui est mentionné dans ce hadith là, c'est obligatoire. Ce qui n'est pas mentionné dedans n'est pas obligatoire. Et le cheikh, il explique les deux aspects. Il dit: wa amma al-istidlalu ala anna kulla ma dhukira fihi wajibun فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود أو لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne la preuve qu'on peut tirer de ce hadith à propos de dans le fait de dire que ce qui a été mentionné dedans c'est qu'est-ce qui est obligatoire, pourquoi comment on peut tirer ça de ce hadith, c'est que l'auteur yani Abdul Ghani Al-Maqdisi il a rapporté ce hadith avec l'expression de l'impératif ou l'utilisation du verbe impératif, c'est-à-dire l'ordre, le commandement, après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَنْ تَتِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا بِمَا ذُكَرَ فِيهِ. Ici, là, quand il mentionne cette parole-là, c'est-à-dire que la prière ne sera pas complète excepté avec ce qui a été mentionné dedans. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire que la prière d'une personne ne sera pas complète excepté s'il a fait ce qui est mentionné dedans. Et il dit ça, ça vient parmi les choses qui viennent donc supporter ou renforcer l'idée que le degré de restreindre ou de limiter l'obligation à ce qui a été mentionné dans ce hadith-là, c'est que il a mentionné ce qui est pas bon dans ce qu'il a fait, dans ce que la personne avait fait comme action dans sa prière. Hein, cette personne qui priait pas correctement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des choses qui vont corriger les erreurs de cette personne-là lorsqu'elle prie. Et il ne s'est pas non plus juste attaché à lui expliquer les erreurs dans sa prière. Il dit, il lui explique donc qu'est-ce qui a rapport ou qu'est-ce qui est rattaché à ce qu'il a fait de mal dans sa prière et également ce qui n'est pas relié à qu'est-ce qu'il a fait de mal dans sa prière parmi les obligations de la salat. Et ça, c'est ce qui prouve que il ne s'est pas limité seulement à expliquer ce qui était incorrect dans sa prière, mais il lui a également clarifié les obligations de la prière de façon générale. Et il n'a pas spécifié quelle chose dans la prière que cette personne avait faite qui n'était pas correcte. Hein? Mais quand on voit la narration de Abu Daoud et de Tirmidhi et de An-Nasa'i, il y a la mention dedans qu'il a allégé pour lui la prière. Et c'est pour ça que les imams du hadith, quand ils parlent de ce hadith-là, ils disent que c'est le hadith qui, et ils le classent, ou ils l'intitulent, ils mettent le hadith dans le chapitre qu'ils ont intitulé l'obligation d'avoir la tranquillité dans la prière. Donc probablement que, il dit, c'est possible que l'erreur de cette personne ou le problème qu'il avait dans sa prière et le fait qu'il faisait sa prière incorrectement ou qu'il la faisait pas bien, c'était quoi? C'était par rapport au fait qu'il priait trop rapidement, priait trop vite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu alléger sa prière et lui rappeler l'importance ou l'obligation de la tranquillité et du repos entre chaque mouvement de la prière. Parce qu'il a mentionné at-tama'nina, la tranquillité, dans chaque mouvement. Donc c'est ça que le cheikh ici, il a mentionné par rapport à ça. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, dans les paroles qu'il lui a enseignées de la prière, il ne lui a pas expliqué les erreurs qu'il a faites seulement, il lui a expliqué les choses générales de la prière par rapport à ce qui est obligatoire dans la salat, pas seulement les erreurs qu'il a faites. Et il n'a pas non plus spécifié quelles sont les erreurs spécifiques de cette personne dans la prière, mais il lui a plutôt enseigné de façon générale qu'est-ce qu'il doit faire pour que sa prière soit correcte. Hein? Donc c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit wa amma al-istidlal 'ala anna kull ma lam yadhkur fihi la yajib, hein, ou kull ma lam yudhkar fihi la yajib, لأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة فلو ترك ذكر ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز بالإجماع فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la preuve au sujet du fait de dire que ce qui n'a pas été mentionné dans ce hadith-là, ce n'est pas obligatoire. La preuve de ça, c'est quoi? C'est que le contexte de ce hadith est un contexte d'apprentissage et d'enseignement des obligations dans la salat. Et il n'est pas permis de retarder la clarification du moment dans lequel cette information-là, on en a besoin. Donc si on a besoin d'une information pour faire quelque chose, on n'a pas le droit de retarder sa clarification à un autre moment. Il est obligatoire, selon le consensus des ulama, d'expliquer cette question-là au moment où on en a besoin et on n'a pas le droit de le retarder. Et ici, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le contexte de l'apprentissage et de l'enseignement des règles de la salat et de ce qui est obligatoire dans la salat. Donc il n'en est pas laissé ce qui est obligatoire à un autre moment. Donc c'était obligatoire pour lui de l'expliquer à ce moment-là et en ce lieu-là. Donc le cheikh il dit فَإِذَا أُحْصِيَتْ أَلْفَاظُ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ أُخِذَ مِنْهَا بِالزَّائِدِ. Donc si on trouve par exemple d'autres narrations de ce hadith-là qui sont authentiques, eh bien on prend qu'est-ce qui est rajouté dans certaines narrations pour compléter la signification du hadith. D'accord? Parce que des fois dans certaines narrations il y a des choses qui ont été mentionnées que d'autres narrations n'ont pas mentionnées, et c'est le même hadith. Donc peut-être que certains rapporteurs du hadith ont omis certains aspects que d'autres rapporteurs ont rapportés. Hein? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On les réunit tous ensemble pour avoir la compréhension et la signification complète de tout ce qui a été dit par rapport à ce hadith-là. Et ensuite, le cheikh il dit ثم إن عرض الوجوب الدالة على عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه وكل موضع اختلفوا في وجوبه لم يكن مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم. Donc le cheikh explique que si par exemple il y a une opposition à propos de l'obligation de certaines choses dans la salat, ou on retrouve par exemple dans certains hadiths ou certaines preuves qui sont plus fortes, donc on va agir selon ce qui est mentionné, qui est plus authentique. Toutefois, si c'est par rapport à des questions sur lesquelles les savants ont divergé par rapport à son obligation, et qu'on regarde par exemple dans ce hadith-là, on va voir si par exemple cette chose était mentionnée dans ce hadith-là comme étant obligatoire, alors on va s'y accrocher. Hein? Et toute question sur lesquelles il y a divergence entre les ulama par rapport à quelque chose d'obligatoire et qu'elle n'est pas mentionnée dans ce hadith-là, alors on va prendre la position que cette chose-là n'est pas obligatoire en se basant sur le hadith. D'accord ? S'il y a divergence entre les ulama, entre eux, ils ne sont pas d'accord sur quelque chose comme étant obligatoire. Alors dans ce cas-là, si on retourne au hadith et on trouve qu'elle est mentionnée, on va dire oui, c'est obligatoire dans ce cas-là. C'est obligatoire pourquoi ? Parce que c'est mentionné dans ce hadith. Et si les ulama ont divergé entre eux par rapport à quelque chose, à savoir est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est obligatoire, et qu'on retrouve que dans ce hadith-là, c'est pas mentionné, alors dans ce cas-là, on va dire c'est pas obligatoire puisque c'est pas mentionné dans ce hadith. Puisque le contexte de ce hadith-là, c'est l'apprentissage et l'enseignement de la prière. Et le cheikh dit « Wa in ja'at siratu amrin bi shay lam yuzkar fi hadha al-hadith ihtamala an yakuna hadha al-hadith qarinatun ala haml as-sirati ala an-nadb. » Ay na'am. واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج الى مرجح للعمل به. Donc le cheikh dit ici, on trouve par exemple dans un autre hadith quelque chose qui est ordonné, quelque chose qui est mentionné avec la forme impérative et l'ordre, et que c'est pas mentionné dans ce hadith, alors on va le prendre comme un témoin pour supporter l'idée, le principe que c'est recommandé de le faire et non obligatoire. D'accord? Et pourquoi? Parce que ça implique qu'on doit le laisser dans son sens apparent, excepté s'il y a une preuve qui vient justifier l'application. Et ici, dans ce cas-là, si par exemple il y a un autre hadith qui mentionne l'obligation de faire quelque chose, alors que ça, c'est pas dans le hadith de celui qui a mal prié, eh bien dans ce cas-là, on va dire que c'est seulement recommandé et non obligatoire. Donc ça, c'est pour ce qui a rapport avec la justification des ulama, comment ils se servent de ce hadith-là comme une preuve pour justifier ou établir ce qui est obligatoire de ce qui n'est pas obligatoire dans la prière. Maintenant, la troisième partie, c'est la dernière partie, c'est par rapport aux règles qu'on peut tirer de ce hadith-là. Et le cheikh, il a mentionné 12 points. Donc, on va les énumérer un après l'autre. Le premier point, al-mabhath al-thalith fi al-ahkam al-ma'khuzati fi hadha al-hadith. أولا الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة ثم الركوع والاعتدال منه ثم السجود والاعتدال منه والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم قال النووي إنها معلومة لدى السائل. Donc le cheikh il dit, premièrement, donc le premier point qu'on peut tirer de règle comme par rapport à ce hadith, c'est que les actions qui ont été mentionnées dans ce hadith-là font partie des piliers de la salat, qu'on ne peut pas laisser tomber ni par oubli ni par ignorance. Et la première, c'est le takbir, le premier takbir, takbiratul ihram dans la première rak'at seulement. Ça, si tu le laisses tomber, ta prière n'est pas valable. Va pas être valide. Le deuxième point qui est mentionné ici, la récitation de la Fatiha dans chaque raka'a. Puis le recours. Puis le fait de se redresser du recours. Puis le sujoud. Puis le fait de se redresser du sujoud. Puis la tranquillité dans tous ces mouvements. La tranquillité dans tous ces mouvements de la prière, même le fait de se redresser du ruku' et du sujoud, contrairement à ceux qui n'ont pas considéré la tranquillité comme étant obligatoire dans ces deux piliers-là, malgré qu'ils disent que c'est quand même recommandé, hein, mais ils ne le rendent pas obligatoire. Et le cheikh, il dit, il reste parmi les piliers, le tashahhud, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum salam wa rahmatullah, et en dernier, le taslim. Lorsque tu termines la salat, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle at-taslim. Et l'imam al-Nawawi il a dit ça, ces trois derniers ils n'ont pas été mentionnés parce que c'était connu de la personne qui posait la question. Hein, le tashahhud, salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et at-taslim. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون غيرها. C'est-à-dire que le deuxième point, c'est que tu dois respecter ces choses-là dans toute ta prière du début jusqu'à la fin, excepté le takbir, le premier takbir, takbirat al-ihram, ça c'est seulement au début. Et il dit sinon dans le reste de la prière tu dois respecter les conditions qui ont été mentionnées et les choses qui ont été mentionnées. ثالثة هو الثالث يعني دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة ولكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. Donc le cheikh il dit la preuve que ce hadith ce hadith là prouve que tout ce qui n'est pas mentionné dedans n'est pas obligatoire dans la salat. Tout ce qui n'est pas obligatoire dedans n'est pas obligatoire dans la salat. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas été mentionné dans ce hadith là n'est pas obligatoire dans la salat. Il dit mais toutefois avant de déterminer ça, il faut se référer à toutes les différentes narrations et les différentes voies par lesquelles ce hadith-là a été rapporté et les différentes versions de ce hadith pour savoir réellement tout ce qu'on doit prendre de ce hadith. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit « وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْمَالِ » excuse me, brother. Could you put the wood, the little piece of wood in the door? Otherwise, people will not. Yes. Barakallahu fiq. نعم. فيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال لأنه ورد بلفظ ثم ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. So le point numéro 4, il y a la preuve dans ça de qu'il est obligatoire de faire les actes de la prière dans l'ordre. Hein? Parce que dans les hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise la préposition ou bien le terme thumma qui veut dire et ensuite. Donc après chaque action, il dit et ensuite tu fais ça et ensuite tu fais ça. Ça prouve qu'il y a un ordre à respecter. Hein? Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'enseigner à une personne ignorante les règles de la religion. Donc c'est pour ça qu'il est obligatoire pour lui de respecter l'ordre et d'expliquer l'ordre. Le point numéro 5, hein, al-khamis. أن هذه الأركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا بدليل أمر المصلي بالإعادة ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه. Donc le cheikh il dit la preuve dans ce hadith que ces piliers dans la prière ne tombent pour personne, on ne peut pas les laisser tomber ni par ni par oubli ni par ignorance, hein, ni par oubli ni par ignorance. La preuve de ça, c'est-à-dire ni par distraction ou oubli ni par ignorance. Pourquoi? La preuve, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cette personne de refaire sa prière. C'est comme s'il lui a dit ta prière, c'est comme si tu n'avais pas prié. Il lui a dit t'as pas prié, refais ta prière. Il ne s'est pas uniquement satisfait de lui enseigner la prière, parce qu'il aurait pu ne pas lui demander de refaire la prière. Il aurait pu juste lui enseigner directement. et lui dire tu dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais plutôt il lui a dit refais ta prière parce que tu n'as pas prié. Hein? C'est pour que la personne réalise et comprenne qu'elle a fait une erreur et qu'elle n'a pas prié correctement. Donc peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit ça, refais ta prière parce que tu n'as pas prié, c'est parce qu'il pense, il voulait voir si la personne allait voir son erreur par lui-même. Hein? Ou bien qu'il allait comprendre par lui-même qu'il avait fait quelque chose incorrectement et peut-être que c'était par oubli ou par distraction. Mais hein, quand la personne l'a refait plusieurs fois, la même erreur, là c'était clair que ce n'était pas par oubli ni par distraction et que la personne était ignorante. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de le refaire. Donc c'est la preuve que ces règles, ces piliers de la salat, elles ne tombent pas pour une personne, ni par distraction, ni par ignorance. Le cheikh dit ensuite, le point numéro 6, « يدل هذا الحديث على عدم صحة الصلاة المسيء فلولا ذكر لم يؤمر فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها. » Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve, ce hadith là, que la prière de cette personne qui n'a pas prié correctement n'était pas valide. Et pourquoi? Parce que si elle avait été valide, il ne lui aurait pas ordonné de la refaire. Hein? Si elle n'aurait pas été, si elle aurait été valide, il ne lui aurait pas ordonné de la refaire. Le point numéro 7, ويدلو على أن الجاهل تجزي منه الصلاة الناقصة أما العالم فلا. Donc il dit ici le point numéro 7, il dit tandis que la prière de l'ignorant, celui qui est ignorant, la prière qui est incomplète sera valide pour lui, elle va être correcte pour lui, tandis que la personne qui est connaissant et qui abandonne ou qui néglige des choses obligatoires ou qui néglige des choses qui manquent dedans, s'il est savant, ce ne sera pas valable pour lui, tandis que si il est connaissant, alors ce ne sera pas valable pour lui, mais s'il est connaissant, ce sera accepté de lui. Et ce point-là ici, le cheikh il l'a pas expliqué, et ça semble venir comme ça semble contredire ce qu'il vient d'expliquer préalablement par rapport à l'ignorance, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça ici que on va mettre un point d'interrogation pour demander plus de détails ou plus de clarification par rapport à ce point-là, inshallah, le point numéro 7. يدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة. Parce que si quelqu'un par exemple il fait uniquement ce qu'il peut ou ce qu'il sait et qu'il ne connaît pas autre chose que ça, hein, alors en principe sa prière devrait être acceptée parce qu'il fait qu'est-ce qu'il peut, hein. Mais par contre si quelqu'un peut-être que ça c'est dans le cas de la personne qui n'a pas les moyens d'apprendre. Peut-être que ça c'est par rapport à la personne qui n'a pas la possibilité ou la capacité ou les moyens d'apprendre et qui est ignorante, vraiment ignorante, parce qu'elle ne peut pas apprendre ou elle n'a pas accès à la science. La différence ici, dans ce hadith, c'est que la personne en question, elle pouvait apprendre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent pour lui enseigner et elle a accès au savoir. Alors, dans ce cas-là, sa prière elle ne pouvait pas être acceptée malgré son ignorance. Ça, c'est ce que je peux comprendre par rapport à ça. Wallahu a'lam. Après, le cheikh, il dit « وَفِهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ حُسْنِ التَّعْلِيمِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِطَرِيقٍ سَهْلَةٍ لَا عُنْفَ فِيهَا وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن. Donc le cheikh il dit, il y a dans ça la preuve dans ce hadith qu'il est légiféré de bien enseigner, d'enseigner aux gens de la bonne manière et d'ordonner le bien. Et que ça doit être fait d'une manière simple et facile, sans être agressif ou violent. Hein? Et que la meilleure façon d'enseigner, c'est d'utiliser la méthode qui donne envie à la personne d'apprendre la science. Hein? Qui donne envie à la personne de connaître et d'apprendre pour que l'apprentissage soit plus efficace. Hein? Et donc, ça va faire en sorte que l'apprentissage va rester va rester dans l'esprit de la personne et ça va rester plus facilement dans son esprit, dans son cœur. Le cheikh dit ensuite, le point numéro 9, أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَسْئُولِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْجَوَابِ إِذَا اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةَ إِذَا اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. Donc le point numéro 9, et ça c'est aussi un point intéressant, c'est que il est recommandé, hein, de la part de la personne qui est questionnée par quelqu'un, de rajouter des explications dans sa réponse qui sont impliquées par le bienfait, qu'est-ce qui est bénéfique pour la personne. Et lorsque la personne questionnée constate qu'il y a un indice qui montre l'ignorance du questionneur à propos de certaines des règles dont il a besoin. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté dans sa réponse des explications, hein, des explications qui sont superflues. Pas superflu, mais qui sont en surplus par rapport à qu'est-ce que la personne avait demandé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas limité à lui expliquer les erreurs qu'il a dans la prière, mais il lui a rajouté encore d'autres explications dont il avait besoin pour comprendre et pour pouvoir faire sa prière correctement. Donc ça c'est une règle générale chez les ulama, souvent ils font ça aussi pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se limite pas seulement à répondre à la question seulement, mais ils vont rajouter dans la réponse certaines explications qui vont aider la personne lorsqu'ils ressentent que cette personne a besoin de connaître ces règles-là. Et ça c'est intéressant et c'est bénéfique. Le point numéro 10, l'ashir, أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة. Donc le cheikh dit le doua qu'on fait après avoir fait le takbiratul ihram au début de la prière, hein, doua al-istiftah, la recherche de la protection d'Allah avant de réciter la Fatiha, le fait de lever les mains, de les placer sur la poitrine pendant que tu récites, les positions wa hay'at ar-ruku' wa as-sujud wal julus wa ghayri dhalika kulluha mustahabba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les différentes façons de se mettre dans la position du ruku' ou de les différentes positions, comment tu places tes mains pendant le recours, comment tu places tes mains pendant le sujoud, comment tu places tes pieds quand tu t'assois, comment tu t'assois à l'iftirash, est-ce que tu vas t'asseoir, tu vas faire par exemple l'iftirash ou bien al-tawarruk ou les autres positions, tout ça c'est recommandé, c'est pas obligatoire, d'accord. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 11, وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم وتقدم الفروض على المستحبات. يعني تقدم الفروض على المستحبات. Donc il dit que le professeur ou l'enseignant, il doit débuter son enseignement par ce qui est le plus important en premier, et il doit donc donner précédence à ce qui est obligatoire au-dessus de ce qui est recommandé. Donc, quand tu commences à enseigner à quelqu'un la salat, tu ne vas pas commencer par lui enseigner ce qui est recommandé en premier. Tu lui enseignes ce qui est obligatoire en premier. Une fois qu'il a maîtrisé ou qu'il connaît bien ce qui est obligatoire, après, tu pourras lui enseigner ce qui est recommandé par la suite. Hein? Et des fois aussi, c'est ça qui est important à comprendre. Lorsque quelqu'un, par exemple, il se convertit à l'islam au début, si tu lui enseignes que ce qui est obligatoire ou les choses les plus obligatoires dans la salat au début, ça c'est plus facile pour lui. Donc ça va être plus facile pour commencer. Mais si tu commences à lui enseigner des choses qui sont surérogatoires, qui sont pas obligatoires, et que tu lui détailles trop la prière pour commencer, ça va être trop lourd, ça va être très compliqué pour lui d'apprendre tout ça d'un seul coup. Hein? Donc par exemple, quand la personne elle va apprendre au début la prière, peut-être qu'il ne va pas pouvoir apprendre du'a al-istiftah, peut-être qu'il ne va pas apprendre par exemple ta'awuz, peut-être qu'il ne va pas apprendre il va apprendre la fatiha, il va apprendre une autre sourate, mais tu ne vas pas lui dire par exemple tu dois apprendre amma yatasa'alun. Non, tu vas apprendre qul huwallahu ahad, inna a'tainaka al-kawthar, des prières qui sont courtes et qui sont faciles, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, et ainsi de suite. Une fois qu'il a appris ça, là il va apprendre d'autres choses. Il va apprendre les adhkar dans le recours, dans le sujoud. Il va pas apprendre les longs. Il va commencer à apprendre les petits, ceux qui sont simples et qui sont courts, et après il va apprendre ceux qui sont plus longs lorsqu'il aura maîtrisé. Donc chaque... Pardon? Les adhkar dans le sujoud et dans le recours, le minimum de ça est obligatoire, hein, si je me rappelle bien. Donc, tandis que s'il veut faire plus, ça c'est recommandé. Mais il y a des adhkar supplémentaires que la personne peut apprendre, et les adhkar supplémentaires que la personne va apprendre, ça c'est des choses qui sont pas obligatoires, c'est plus recommandé. S'il veut faire plus, il va le faire. Pendant la prosternation, pendant le recours, et ainsi de suite. Mais s'il dit Subhana Rabbi al-Azim dans le recours, Subhana Rabbi al-A'la dans le sujoud une fois, ça c'est le minimum obligatoire. Naam. Le dire trois fois, c'est le minimum de la perfection. Le minimum de ce qui est plus complet. Et si tu veux rajouter jusqu'à 10, hein, ça c'est le plus parfait encore. Ouais. Donc le minimum obligatoire c'est une fois. Ensuite trois fois c'est ce qui est le minimum de ce qui est plus complet. Puis si tu veux dire plus, tu peux dire plus. Le point numéro 12, il dit قال الصنعاني واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام وتجاذبت معانيه الأفهام وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو على وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة فقوله لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل فيها وهذا مما لا نزاع فيه وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل انتهى كلامه. Donc ça c'est le dernier point par rapport à les explications des règles par rapport à ce hadith là, et c'est le point que le cheikh a cité des paroles de l'imam As-Sanani, qui dit que sache que le hadith de celui qui n'a pas prié correctement ou qui a mal fait sa salat, c'est un hadith qui décrit donc comment prier et qui mentionne qu'est-ce qui est le plus obligatoire qu'est-ce qui est obligatoire dans la salat. Et il dit que les ulama, ils ont beaucoup expliqué ce hadith-là. et ses significations, yani, et la compréhension de ces significations sont, yani, c'est un hadith qui nécessite beaucoup de compréhension et dont on a besoin des explications. Et il dit que il a déjà expliqué et clarifié déjà les règles sur la question de ce hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit à l'homme, tu n'as pas prié, retourne faire ta prière, tu n'as pas prié. Il dit que ça, c'est pour nier la réalité de la prière de la personne. Et que c'est ça qu'on doit comprendre dans la signification et dans le sens de la langue, de la grammaire et dans le sens des fondements de la religion. Parce que lorsque quelque chose est nié, c'est en réalité, en général, c'est pour nier sa réalité. Comme lorsqu'on dit « il n'y a pas d'homme dans la maison », c'est pour nier la réalité de l'homme et non pas dans le sens symbolique. Comme par exemple, s'il n'y a pas d'homme dans la maison, si je dis « il n'y a pas d'homme dans la maison », ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme dans la maison. Mais si je veux dire autre chose, hein, c'est comme par exemple, si une femme, par exemple, elle est dans une maison et, par exemple, une fille, elle a des frères, elle est dans la maison, puis elle demande à ses frères d'aller faire quelque chose pour elle ou bien de régler quelque chose et que personne veut faire, veut venir à son aide ou personne veut l'aider, hein, ou bien, ou ils veulent pas le faire. Elle va dire, il n'y a pas d'hommes dans cette maison. Alors qu'il y a des hommes, mais c'est comme s'ils ne veulent pas faire qu'est-ce qui est leur devoir. Donc c'est comme si en voulant dire que il y a des hommes, mais c'est pas des vrais hommes. Donc ça c'est la négation du sens symbolique et non pas la négation du sens réel. Et ici le cheikh il explique que ce hadith là ici c'est la négation du sens réel qui est voulu. Et que si tu veux nier le sens symbolique, il faut qu'il y ait une preuve qui vienne expliquer ou prouver la raison pour laquelle tu ne vas pas prendre la parole dans son sens réel et que tu vas la déformer ou l'interpréter d'une façon différente. Hein? Donc ça, c'est ce que l'imam As-Sanani a expliqué ici. Wallahu ta'ala a'lam. Hein? Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.